Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le 60e numéro de Sur nos écrans qui sera consacré au bilan de la saison 1 de la série Supergirl, à l'époque où elle était encore sur CBS. On va donc sur cette première saison. Rappelez-vous, le pilote, voilà, nous avait laissé plutôt, comment dire, mitigé. On l'avait démonté. On va voir si la saison dans son ensemble a changé un petit peu la donne ou pas. Je suis Mathieu, vous allez écouter le 60e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne, and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos, rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et donc pour faire le bilan de sur Supergirl, vous l'avez entendu avant le générique, Clément. Salut. Et Arnaud. Salut. Voilà. C'est un peu un casting improbable. Hein. Bah avant quelques jours. En début de saison, je me serais pas vraiment attendu à vous avoir tous les deux pour Supergirl. Bah concrètement, c'est enfin Supergirl, j'ai tout regardé là. C'est cette semaine. Cette semaine. Moi, plus c'était pas prévu, ça m'a pris d'un coup en fin moi mai. Aussi. Moi, là-bas, c'était pas prévu, mais j'entendais tellement certaines choses. Mais bon, je vais regarder, en fait. Donc, le lobbying que j'ai fait a, ouais, ça a marché. Fonctionné, visiblement, au moins pour Clément. Après, est-ce que c'est ce qui a décidé Ardo? L'histoire gardera ça secret. On aurait dû avoir Irish, mais finalement, Irish, voilà, regarde le foot. Ah bon, c'est pour ça qu'il est. J'adore, tu balances des rumeurs et tout le monde plonge. Non, mais ça serait honteux aussi. Allez, c'est parti. Supergirl, donc, on l'a dit, le pilote nous avait plutôt refroidi. Plutôt refroidi et laissé complètement pas enthousiaste. Et puis après, Arnaud a continué sur un ou deux épisodes. Moi, je me suis accroché et puis j'ai pas arrêté d'en parler pendant toute la saison en vous disant quand même. J'ai regardé plus d'un épisode, j'étais jusqu'à la mi-saison. Avant d'abandonner. J'ai arrêté au 5 ou 6, moi, tu vois. Ah non, non, j'avais. Puisqu'on a fait le bilan ensemble. Ah oui, c'est vrai, peut-être. Et ben moi, il y a encore une semaine, j'étais encore à l'épisode 1. Voilà. Et du coup, voilà, pendant la deuxième partie de saison, j'ai dit quand même, vous devriez laisser une seconde chance, il y a des choses intéressantes, etc. Donc on va voir, maintenant que vous l'avez regardé, ce que vous en avez pensé. Et puis on va voir si vraiment je suis positif jusqu'au bout sur cette saison, hein, parce que c'est pas forcément sûr. En tout cas, cette saison, Kara Danvers, Supergirl, interprétée par Melissa Benoit. Jimmy Olsen par Mecca Brooks, Calista Flockhart interprétée Cat Grant. On avait aussi Tyler Lee qui interprétait Alex Danvers, Tyler Lee alias Lexi Gray. Jeremy Jordan qui interprétait Win Scott. Et puis on avait David Harewood dans le rôle de Hank Henshaw. Et c'est tout ce qu'on dira concernant ce personnage pour le moment. Et puis on avait d'autres personnages, évidemment, notamment Reactron. Elgonite, Livewire, Silver Banshee, Livewire, mais aussi Red Tornado. Et oh, le magnifique. Ce magnifique casting avec notamment Toyman. Enfin voilà, on a quand même eu de. N'oublie pas Lucy Lane quand même. Oui, Lucy Lane. Kara Zor-El, Allura Zor-El. Magnifique tout ça. Allez, et Barry Allen, Grant Gustin, oui. Quand même, qui est à mettre au casting de cette saison. Allez! En une phrase, comme on fait d'habitude pour chaque bilan, votre ressenti sur cette saison de Supergirl, et donc le suspense va s'arrêter maintenant. J'avais dit que la première partie de saison était une catastrophe, j'avais détesté, et du coup j'avais arrêté à la mi-saison, donc au 9, si je dis pas de bêtises, la mi-saison. Et donc, comme j'ai dit, il y a peut-être un mois, j'ai repris comme ça, et j'ai trouvé le 10 pas trop mal, même si j'avais pas envie de le voir, hein. Parce que. Ni de l'avouer. De quoi? Ni de l'avouer, qu'il était pas trop mal. Ouais. Je voulais vraiment pas le voir, puisque c'était avec. Centré sur Win et son père. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Et tout de suite, je me suis dit, la catastrophe avec celui-là. Et finalement, c'était correct. Je sais pas ce qui s'est passé d'un épisode à un autre. Ils se sont réveillés. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ça m'a pas déplu, disons. Et puis j'ai enchaîné et. D'épisode en épisode, je dis pas que c'est une grande surprise ni une grande nouveauté, mais c'était pas aussi déplaisant que les premiers épisodes. Il y a même par moments où j'ai plutôt bien apprécié certaines choses. On entrera en détail sur des intrigues ou des personnages, mais il y a des choses qui m'ont plutôt plu. Et donc, dans l'ensemble, c'est passable, c'est sympa. Ok. Et Clément, alors? Marathon, comment ça s'est passé? Alors, bon, je partais quand même avec un a priori assez assez mauvais parce que j'avais clairement pas aimé le premier épisode et durant tout le long de la saison télévisée, j'ai absolument pas eu envie de le regarder cette série-là, même si on me disait ouais, ça peut être sympa et tout, donc voilà. Et j'ai commencé l'épisode 2, j'ai trouvé qu'il y avait quand même du mieux, c'était pas exceptionnel, c'était relativement chiant, mais voilà. Et en fait, j'ai continué, j'ai vu quand même que la série s'améliorait avec le temps, et en fait, arrivé vraiment à la moitié de saison, bah, j'ai commencé quand même à vachement apprécier certains trucs. Il y a clairement eu des bonnes idées, d'autres moins. Et bah, mine de rien, je crois que j'en parlais des fois avec Mathieu en privé. On a des conversations privées, ouais. Dans l'émission, on existe entre. Ouais, ouais. J'en ai pas parlé avec vous. j'ai vraiment eu. Enfin, ce que je disais à Mathieu, j'ai dit putain, j'ai vraiment l'impression de vraiment que c'est. Que déjà l'univers de Superman est mille fois plus respecté que ce qui peut être fait dans le cinéma, ou en tout cas, on va dire le ton, la teneur, voilà, il y a des thèmes qui sont très présents. Et puis, franchement, bah moi, je suis comme Arnaud. C'est pas exceptionnel. Hein, c'est très loin de certaines séries, mais c'était plaisant, quoi. J'ai bien aimé regarder. Fallait clairement pas attendre du grand scénario et tout, mais il y avait de bonnes idées. Moi, je me suis pas trop ennuyé. J'ai vraiment aimé. Ça a été, pour le coup, moi, ça a été une vraie surprise. Je m'attendais pas à apprécier. Et j'ai vraiment apprécié. Et si je devrais comparer, bah, j'ai largement plus apprécié cette saison. Cette série que Arrow, quoi. Enfin, c'est, je compare, mais c'est parce que c'est par rapport à une. Je compare quand même avec quelque chose, voilà. Je suis obligé de le comparer parce que pour donner mon impression, mais. On verra dans une semaine dans le bilan de. Oui, mais voilà, mais je veux dire, franchement, c'était pas. Je m'attendais à ce que ça soit un calvaire à regarder, et en fait, pas du tout, quoi. Il y avait vraiment des moments. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas exceptionnel, hein. C'est peut-être médiocre, on va dire relativement moyen, mais non, franchement, le mot qui me vient, moi, c'est que c'était plaisant à regarder. Je passais du bon temps, c'est tout ce que je voulais. Clément et Arnaud venant de battre successivement le record de la phrase la plus longue, je vais tenter de faire plus court pour mon avis sur cette saison, en vous rappelant juste l'adage qui dit que bah, l'important dans un voyage, c'est pas la destination, hein, c'est justement le voyage. Et c'est vachement important pour cette série, ouais. Parce que ouais, quand ouais. On prend le départ et quand on prend l'arrivée, ça a rien à voir. On a deux bons gros bousins pour commencer. Mais au milieu, eh ben, le voyage est quand même plutôt sympa. Ah ouais, il y a des thèmes qui sont abordés. Franchement, c'est. Voilà, donc on a un pilote que je considère toujours comme catastrophique. On a un final pourri, mais entre les deux, voilà. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Allez, on va commencer. Bah, allez, on va parler de l'évolution du casting quand même, hein, puisqu'on est quand même, on a quand même commencé la saison avec une Mélissa Benoît pas très à l'aise dans le costume. Ah non. Hein, pas très à l'aise non plus dans la tenue civile de Kara. Voilà, une cruche. Ouais. Je savais pas trop pourquoi elle était là. Qui avait un peu l'air plutôt d'une biche dans les phares d'un camion que de l'actrice. C'est ça. Regarde. Maintenant, les choses ont sans doute changé dans cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux commencer ou? Vas-y, t'as déjà commencé. alors franchement, alors c'est vrai, autant au début, j'aimais pas du tout Mélissa Benoît dans le rôle, je la trouvais pas bien. Et franchement, au fil des épisodes, je trouvais que l'actrice a quand même pris de l'envergure, qu'elle s'est fait au rôle, et je l'ai trouvée vraiment crédible en Supergirl et en Kara. J'ai même trouvé des fois l'actrice vraie. Enfin, il y avait vraiment certains épisodes, certains moments où je la trouvais plutôt. C'est pas une bête d'actrice, mais franchement, je trouve qu'elle a fait le job, quoi. Elle était vraiment crédible dans les deux rôles. Ouais, oui, c'est vrai. Je trouve que justement, ce qui fait que le personnage s'améliore et qu'on l'apprécie davantage, c'est que dans les premiers épisodes, ils font passer Kara pour une planicharde. Ouais, c'est ça, pour une planicharde, ah, la oui, petite non, fille clair. Innocente qui ne sait absolument rien, qui découvre la vie, qui découvre que les gens sont pas si gentils que ça. Elle prend de l'assurance, ouais. Elle prend de la maturité. Elle prend peut-être plus de maturité que certains personnages également. Et puis, elle développe la relation qu'elle a avec Cat Grant, qui est assez formidable. Et du coup, ça permet de mieux apprécier le personnage. Ah ouais, excuse-moi. Il y a une autre chose qu'elle prend aussi. c'est de l'envergure physique. C'est-à-dire qu'il Ouais. prend de la masse musculaire au Ah, fur et à c'est mesure que la ça, j'ai saison pas trop avance. remarqué. C'était pas qu'une Bah, impression, j'ai eu si vous la l'impression. regardez dans le Ouais, c'est final. pas. Non, non, mais je suis d'accord. Mais j'ai Non, envie de dire. mais peut-être, mais j'ai pas remarqué. Si, Et du c'était quand coup, même un elle peu plus impose flagrant. plus de Ouais. puissance Voilà. quand elle est en vol statique, notamment, où on la voit Oui. bien carrée, voilà, qui. Après, c'est Voilà. pas ça qui m'a marqué le plus, c'est vraiment qu'elle arrête de chouiner pour un oui, pour un Non, non. non, mais c'est une Et écriture de perso que et. vraiment, elle se rapproche des autres personnages. Et la voir parfois avoir plus de Oui. maturité et de recul sur la vie de certains personnages comme Cate Grant par exemple, ou sa sœur ou autre, qu'elle l'avait au début de saison. Ah oui, c'est sûr, et enfin je vais compléter, mais clairement, je trouve que pour moi, au niveau de la carrière physique, ça me fait un peu penser, je compare encore, mais parce que c'était dans le même univers, ça m'a fait un peu penser à Grant Gustin, qui au début avait pas dû forcément la carrière physique, et mine de rien, il en Non, a il a toujours gagné. la même. Hein. Pour le coup, il n'a pas bougé, lui. Ah, j'ai l'impression, enfin voilà, c'est vrai que ça commence. Fais-moi confiance, il n'a pas bougé. D'accord, enfin, en Il tout le cas. scrute à chaque épisode. D'accord, ouais. En tout cas, c'est vrai qu'en carrure physique, Mélissa Benoît, enfin, c'est vrai, ça a vraiment changé. Et faut, enfin voilà, faut dire que l'évolution du personnage a quand même été très positive et pour le coup, que l'écriture a plutôt, enfin, ça a plutôt été réussi, quoi. L'écriture du C'était, personnage, ça va finir la saison et ouais, complètement, dans le jeu du personnage. Pour totalement. moi, dans le jeu de l'actrice, dans le jeu de Mélissa Benoît, pour moi, il y a clairement un avant Ah et un ouais. après crossover. Ah oui, c'est, Le mais. crossover l'a fait entrer enfin, complètement dans sa saison. Ah ouais, ah ouais. Le crossover avec Flash. Elle a Elle était eu. bonne dans un épisode, quoi, tu veux dire? Puisque le Non, non, crossover, elle c'est est. le 8, Non, elle prend tu une autre trouves. envergure avec le crossover, Dans hein. ce crossover-là, j'ai Clairement. l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Le fait de retrouver Grant Gustin qu'elle Ouais. connaissait, et il y a une espèce de, comme si une espèce de pression qu'elle avait était complètement partie dans cet épisode, et qu'après elle jouait de manière plus naturelle et Pour deux épisodes. beaucoup plus décontractée et plus convaincue. Non, mais Après, je voilà, suis. on reste, voilà, ça reste Mélissa Benoît. Encore une fois, Oui. c'est pas Tatiana Maslany, hein. Non, c'est sûr, mais après, je suis d'accord avec toi. J'ai vu le crossover aujourd'hui, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et c'est vrai que tu sentais, entre, enfin, vraiment toutes les interactions entre Grant Gustin et Mélissa Benoît, enfin, ça avait rien à voir avec ce qui avait pu être fait. Et tu sentais, ouais, que l'actrice aimait ça. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, quand même, il y a quand même une sacrée différence de jeu d'acteur. Tu sentais qu'il y avait un truc en plus, quoi. Et je suis totalement d'accord avec toi, même si le jeu avait relativement évolué positivement durant toute la saison, c'est vrai qu'il y a eu clairement un après crossover, même si effectivement c'est un peu tard parce que ça correspond à l'épisode 18 sur 20. C'est ça. Après, Mélissa Benoît, elle est quand même aussi victime d'un certain syndrome qui n'est pas celui des bonnes actrices. C'est qu'elle devient bonne dans les bonnes scènes avec les bons acteurs. Oui, c'est ça, totalement. Dans ces scènes où elle est en duo avec Calista Flockhart, qui est quand même une Oh, actrice plutôt respectable, ouais. elle est plutôt pas mal. Ouais, Avec Grant je suis Gustin, bien elle est d'accord. plutôt pas mal. Avec les autres, ça marche un peu moins parce que peut-être qu'elle a Surtout pas avec sa sœur. elle n'est pas tirée vers le haut. Ouais, bah avec sa sœur, oui, c'est la catastrophe à chaque fois. C'est terrible, quoi. Allez, on va quand même passer sur un autre personnage, même si c'est quand même le personnage principal de la série. Voilà, de qui vous voulez parler? Cate Grant, peut-être, puisque comme ça, on aura parlé des deux femmes fortes de la série. L'un Donc, des. Cate Grant qui était bon en mode Diable s'habille en Prada sur l'épisode, Ouais, on mais n'avait pas mine de rien. particulièrement apprécié, même si voilà, c'était quand même assez rafraîchissant de voir Calista Flockhart dans ce registre. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai, c'était vraiment Diable s'habille en Prada. Et franchement, moi, j'ai trouvé tout le long de la saison vraiment Je la pense que c'est piste. Jean-Michel à peu près cette semaine. Pourquoi? Le Les diable habillé en bleus. Prada. Non, non, mais j'ai trouvé l'actrice vraiment excellente, enfin dans le rôle, et je. Tu t'emballes. Enfin, excellente, c'est peut-être un peu trop, mais en tout cas, Oui, elle a par fait rapport aux son. autres. Oui, par rapport aux autres, forcément. Enfin, voilà, par rapport aux autres, forcément. Après, enfin, globalement, voilà, elle a plutôt bien fait son job. Et le personnage de Cate Grant qui pouvait vraiment paraître comme une vraie garce, et bah finalement, pareil, je trouve que ça a évolué assez positivement, que le personnage est devenu un peu plus intéressant, et j'ai beaucoup aimé ouais, sa relation avec Kara, mais aussi sa relation avec Supergirl. Je trouve que Bah, c'était elle est plutôt toujours intéressant. bitchy, hein. Bon, toute la saison, c'est Ah quand même. oui, c'est une bitchie, mais moi, elle me faisait rire. Oui, dans cette Mais relation avec les autres personnages, elle est c'est ça. moins Mais ils lui intéressante ont que écrit des sur. nuances. Ils lui ont créé des C'est nuances au fur ça. et à mesure de la C'est ça qui saison, manque. et voilà, il y avait des choses un peu plus de relief, des choses un peu plus Ouais. intéressantes. Complètement. Notamment avec son fils. Ouais. Ouais, son fils que j'aurais bien aimé voir plus, parce que du Ouais, coup, c'est bon, vrai. l'acteur, voilà. Oui. Mais voilà, il apportait quelque chose en termes des intrigues qui était plutôt Joué par le intéressant. mari de Mélissa Benoît. C'est ça. Ah, c'est son mari? Oui, c'est Ouais. son mari. Ah, je savais pas. Ah bah, tu le sais. D'accord. Bah, rencontré sur un tournage d'ailleurs. Bah, c'est pas le tournage Bah, de sur Glee. Glee, bah, tout simplement, voilà, parce qu'ils étaient en duo sur Glee. Bon, duo. Enfin, il fait partie tous les deux du casting de Glee. Voilà. C'était le point gossip de cette émission. Ben, que vous dire encore sur les personnages Hank and Shaw, parce que quand même c'est le personnage qui a le plus évolué peut-être dans cette C'est saison, sûr. hein, puisqu'on se retrouve avec un pauvre agent du DIO, et puis on se retrouve avec un des personnages les plus importants de l'univers DC Comics, d'une manière complètement inattendue. C'est en première partie de saison, on peut le spoiler, Martian Manhunter. Alors là, Ouais. cette révélation à la fin de l'épisode 6, qui était quand C'était même un ça. épisode douloureux, parce que je vous rappelle, c'est l'épisode de Red Tornado. C'est Et à clair. la fin, t'as le truc qui sauve tout, qui limite lance. Pour moi, c'est la scène qui lance la série. La révélation de l'identité d'Hank & Shaw en Martian Manhunter, ça lance la série et tout le potentiel Ouais. qu'elle va après exploiter. Bah. Et voilà. Après, moi, j'ai pas eu trop la surprise parce qu'en fait, je sais pas comment. Enfin, je crois, je me demande si c'est pas mon frère, mais en gros, je m'étais fait spoiler qu'il y avait Martian Manhunter. Donc, j'ai pas trop eu la surprise. Après, voilà. Ça Surtout reste la surprenant. surprise du visuel dégueulasse. Ouais, le visuel, ouais. Je l'ai pas trouvé dégueulasse, le Il visuel est de pas Martian. si dégueulasse. Répugnant. Non, moi je trouve Pas si plutôt. À dégueulasse. part dans le final, j'ai toujours trouvé très mal fait. Ah non, moi je trouve plutôt pas mal. Non, ça va, ça passe. Ces transformations de passage Ouais. de Hank à Martian Manhunter. Alors certes, c'est pas toujours très fluide, machin, mais au moins ils ont eu le courage de nous les montrer en vrai, ce que d'autres séries auraient pu éviter C'est par des sûr. artifices. Et franchement, ils n'ont pas à rougir pour moi Ouais. des effets sur Martian Manhunter et même des effets spéciaux en général par rapport au pilote. Rappelez-vous le pilote, Ouais. le camion qui explose avant que Supergirl le touche. Oui, Voilà, mais on a quand même passé un cap aussi sur la oui, saison. tu fais bien attention. Oui, tu fais bien de noter parce que c'est vrai que moi j'étais assez étonné. Je m'attendais à voir des effets spéciaux quand même bien dégueulasses. Bah finalement, Il y en a quelques-uns, il y il a y en des a costumes quelques-uns. un peu dégueulasses. Oui, non, On mais je suis parle de, comment d'accord. elle s'appelle, Ah oui, la robot là. Indigo. Oui, Enfin, Indigo. Non, mais je suis l'Indigo. d'accord. Oui, non, mais Oui, voilà. voilà. Ou Silver Banshee. Non, Alors mais qu'il y a des d'accord. personnages, ils avaient clairement pas envie de les travailler. Oui, c'est clair. Ça, c'est ridicule. Ils étaient ridicules, mais ridicule. Mais globalement, franchement, les effets Oui, spéciaux, les ça effets passait. spéciaux sont pas Même trop lors des mal. combats, honnêtement, je m'attendais à pire, quoi. Ne serait-ce que le vol, quoi. Oui, même le vol, ouais, On c'est voit vrai. pas les câbles. Oui, c'est ça qui est On bien. voit plus les câbles. Coucou Powers. On peut comparer les deux séries qui font voler leurs personnages. Voilà. Donc du coup, non. Enfin voilà, pour moi, la série visuellement a pas forcément à Je rougir. trouvais quand même que sur Martian Manhunter, niveau visuel, j'avais un peu envie de pleurer de temps en Oh, temps. franchement, Bah, j'ai vu peut-être. pire. Hein. Moi C'était non, pas génial, mais je trouvais plutôt classe. Mais après voilà. ça allait. Disons que c'est vrai que c'est pas. Enfin voilà, enfin, c'est pas magnifique et tout, mais franchement, ça aurait pu être beaucoup plus casse-gueule que ça en termes Après, je de. remets voilà, quand je regarde Supergirl, j'ai pas les mêmes attentes Oui, que quand je voilà. vais voir Civil War ou que quand je vais voir un film. Oui, bah voilà, Voilà, c'est sûr. c'est pas comparable. je sais que la production est complètement différente, ils ont beaucoup moins de temps, beaucoup moins de moyens, etc. Donc je suis beaucoup plus indulgent pour certaines choses. Alors peut-être que dans un autre contexte, ou même sur une autre chaîne aussi, hein, on m'aurait mis ça sur AMC, sur HBO ou machin, Mais c'est que la série a un énorme budget. j'aurais sûrement fait la gueule. Mais Elle a un là, plus gros budget que Flash. ouais, mais c'est Donc plutôt ça se bien compare aussi utilisé, comme enfin, ça. c'est plutôt bien Oui. utilisé, et puis il faut payer Callista. Hein. Pour ça qu'elle sera pas beaucoup dans la saison 2. Ouais, c'est bien dommage. Voilà, on va parler d'Hank & Shaw, on va parler, faut quand même en parler, hein. Voilà, Alex. Hein. Oh non, Oh. pitié! La catastrophe de la saison, quoi. C'était très chiant ce personnage. Non, elle, pour le coup, elle tire tout vers le bas. Bah, Enfin, je c'est veux dire, d'ailleurs pas. Elle en fait des tonnes. y a pas une scène où elle est là qui fonctionne, quoi. Elle plombe tout, elle joue mal, Les clichés. elle est mal écrite. Enfin, voilà, il y a. Puis elle a rien en dehors C'était nul. de son intrigue avec le Dio et sa Oh, sœur. elle a rien. Elle existe un petit peu pour sa romance avec Oh, pitié. Maxwell Ward, mais Ouais. plus cliché, tu peux pas Ah faire non, mais pire. c'est. Le Non. personnage. Alors qu'en dehors de ça, elle n'existe pas. Bah, le personnage a pas. Franchement, le personnage serait pas présent. Donc il est mal écrit et mal joué. Non, mais Ouais, oui, non. elle en fait des tonnes, Sans quoi. intérêt, c'est un peu, ouais, c'est un peu la kryptonite de la série, quoi. C'est ça. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Plus une catastrophe encore que Jimmy Olsen. Ah oui, Oui. complètement. Qui Surtout qu'il pourtant. a disparu un peu en deuxième partie de Ouais, saison. c'est pour ça qu'on l'apprécie. Et voilà, ça m'a fait dire On le voit pas encore un trop. bien fou. Oh là là. Donc du coup, voilà. Et pourtant, voilà, dire qu'elle est pire que Jimmy Olsen, voilà, C'est c'est quand quand même même pas mal. dire que voilà, elle est quand même pire que quelque chose qui est quand même pas bon du tout. Ah non, Jimmy Olsen, il. Oh. Bah, il y a le couple aussi, Ginny, Lucie, hein. Lucy Lane n'est pas très bonne non plus. Hein. Non. Je sais plus comment elle s'appelle, la femme de Channing Tatum, là, mais... Le casting secondaire, de manière générale, à part Wayne Scott, j'ai plutôt une bonne sympathie pour l'acteur, parce qu'il dégage quelque chose de plutôt sympa. Il a eu aussi, faut le dire, hein, c'est le seul qui a eu une intrigue à lui. Et l'intrigue était très bonne. Une vraie intrigue, hein, je ne parle pas d'un triangle amoureux ou d'une ex qui revient en vie. Voilà, on parle d'une vraie histoire avec son père, avec machin. Voilà, il a aussi bénéficié de ça, qui peut-être lui donne un capital sympathie plus important. Et en plus de ça, c'était l'épisode où il était vraiment au centre, c'était clairement l'un des meilleurs épisodes de la saison. C'est celui que Arnaud a trouvé pas mal. Ouais, non, mais. Et le, il a fait regarder la suite. Et il y avait quelque chose dans cet épisode 10, donc, autour de la famille, autour de l'héritage. Oui. De, voilà, il y a plein de thèmes sur ça qui sont vraiment intéressants pour le coup. Est-ce qu'on est ce que notre famille était ou pas? Et du coup, on a un parallèle aussi intéressant avec Supergirl qui vit aussi des choses au même moment. Voilà. Donc, non, l'épisode était plutôt bien. Et puis, voilà, et du coup, il a eu une vraie intrigue, Wayne Scott. Et du coup, ça nous le rend peut-être plus sympathique. Et puis même, l'acteur est quand même un peu au-dessus du reste. Quoi. Ouais. Il est quand même beaucoup moins supportable. Et puis, il avait des scènes, peut-être au début, parce que le coup du triangle amoureux était quand même bien relou. Mais c'est vrai que je trouve que ces scènes avec Mélissa Benoît, c'était plutôt sympa. Quoi. Enfin, il y avait pire, mais ouais, c'est vraiment l'un des acteurs, parmi le cast secondaire, qui s'en sort le mieux. Je vous propose de faire comme si Maxwell Lord n'existait pas, de ne pas en parler. Et de passer aux Kryptoniens, c'est-à-dire Zod, c'est-à-dire Allura et comment s'appelle-t-il ? Non. Voilà, donc les deux Kryptoniens, un poil caricaturaux, mais ouais, ça complètement. Surtout Non. Ah bah Non, Non, c'est un Zod bis du pauvre. Hein. Oui, c'est ça, complètement caricatural. Et voilà, Allura à la rigueur a un peu plus de relief et encore c'est quand même un peu pathétique, étiré par les cheveux, mais bon. Un peu poussé, hein, poussif. Ouais. C'est. Mais Non, c'est plus. Comment dire? Plus manichéen, tu meurs, quoi. Mais il est méchant, donc il est très méchant, donc il est très méchant. C'est donc, ça, c'est. Donc il peut jamais être gentil. Il donc... n'y a aucune subtilité, quoi. C'est vraiment. C'est assez. Alors que c'est vrai que tu. Allura, il y a. Enfin, Allura, c'est comme ça. Il y a quand même plus de. Un peu plus de subtilité. C'est pas après, énorme. Ça reste aussi cliché avec Allura. Ah, t'es ma cousine, alors je veux pas te tuer non plus, mais je dois te combattre parce que t'es mon ennemi. Bah, enfin, mais t'es ma nièce, mais. Non, mais ok, mais bon. C'est un peu cliché, mais. C'est vrai que Tati Allura, bon, voilà. On a vite fait le tour, en fait. Ouais. C'est des personnages dont on se débarrasse trop tard. Ouais, complètement. On aurait pu n'en faire qu'une demi-saison et ça aurait été très bien. Parce que ça, du coup, même les scénaristes savent pas trop quoi en faire parce qu'ils se rendent bien compte eux-mêmes, je pense, qu'ils tourneront et du coup. Ils ont disparu pendant plusieurs épisodes. Hein. Du coup, ils intègrent d'autres choses qui sont, elles, pour le coup, plus intéressantes. Toute l'histoire autour du Martian Manhunter. L'épisode qui est centré sur lui, d'ailleurs, était plutôt très sympa. Ouais, honnêtement. Voilà, ça nous permet aussi d'avoir les épisodes autour de Wayne Scott et machin, mais du coup, c'est peut-être aussi le signe que les gros bad guys de la saison, ils n'étaient pas à la hauteur. Ah non. Déjà, on parlera de l'enjeu de la saison. Puis franchement, est-ce que vous avez peur une seconde quand vous voyez Non et Allura? Non. Puis déjà, leur plan. Leur plan, déjà, franchement. Ils ont un plan. Leur plan, honnêtement. Leur plan, c'est celui de Man of Steel. C'est de transformer la Terre pour la transformer en Krypton. Ouais, enfin c'est pas pareil, c'est encore toute la merde. Ouais, non mais oui, à part ça, Arnaud a raison. Hein, C'est le même plan. Et c'est un truc quand même hyper éculé autour de Superman. Comme si la première chose à faire quand on introduit Superman au cinéma ou à la télé, c'est de transformer la Terre en Krypton. Enfin. C'est bon, on a déjà vu quoi, on connaît le retour de Krypton, les machins, tout ça, stop. Proposez autre chose. À la rigueur, si on n'avait pas eu ça, on aurait eu Maxwell Lord un peu plus. Donc est-ce que finalement, on n'a pas gagné autre chose. Après, honnêtement, Maxwell Lord, l'acteur est pas loin d'être bon. C'est ambulant. Le méchant qui est contre Supergirl. Après, le personnage même dans le comics, il est. En fait, il y a un problème avec Maxwell Lord et avec quelques autres personnages, c'est que dans leur adaptation, dans la façon dont ils sont utilisés, on sent beaucoup trop que Maxwell Lord, c'est le Lex Luthor de Supergirl. Oui. On sent beaucoup trop que Non, c'est le Zod de Supergirl. Et c'est comme ça, valable pour plein de personnages. Oui. Et ça en devient pénible. Non, mais je suis d'accord. Après, à part ça, moi, il ne m'avait pas plus dérangé. Enfin, j'aimais bien certains côtés de Maxwell Lord, quoi. Il y avait des trucs qui me plaisaient, d'autres moins. Clairement, le coup de la romance entre sa sœur et Maxwell Lord. Non, mais Mathieu a complètement raison. Et on ne met pas Lois Lane parce que c'est un personnage trop important. Bah, on met sa sœur qui a le même caractère. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a. Enfin, oui. Et finalement. Avec le recul, maintenant, on peut aussi, on sait que la série va passer sur la CW et qu'elle va introduire Superman et qu'elle va introduire quelqu'un de la famille Luthor et machin et compagnie. Voilà, on sait d'où venait le blocage, la chaîne et la personne qui était à la tête de la chaîne au début de saison, qui refusait les crossovers, qui refusait tous ces trucs-là. Et sans doute que aussi, si on a plutôt utilisé ces personnages pour nous faire comprendre que c'est raccroché à l'univers de Superman, sans utiliser ces personnages-là, c'est peut-être aussi parce que la direction de la chaîne et d'autres personnes les bloquaient encore à ce niveau-là. Pour que le changement de scène, Superman quand même, quoi, on va avoir un Superman à la télé. Alors que ça nous évitera de voir ses pieds, ses chaussures ou ses mains en train d'envoyer des messages sur WhatsApp. Enfin voilà. Et du coup voilà, on sent aussi qu'ils ont. Ils auraient voulu peut-être utiliser ces personnages plus tôt, mais qu'ils ne pouvaient pas, alors ils ont fait des moyens détournés, et on a vu le Luthor de Supergirl, le machin de Supergirl, plutôt que d'avoir les vrais. Le Luthor de Supergirl pour Maxwell Lord, je suis d'accord. Après, en soi, tu prends le personnage même de Maxwell Lord, si tu enlèves certains mauvais aspects, dans le comics, voilà, c'est quand même l'un des méchants qui est, enfin, l'un des bad guys. Principaux de Supergirl. Donc, oui, de ce côté-là. Mais dans l'écriture de cette série. Non, ok. Voilà, dans l'écriture des comics, il est quand même pas pareil. Il n'est pas aussi proche de Lex Luthor. Elle a même son général Lane, quoi. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. Après, il y a plein d'aspects critiquables sur Maxwell Lord. Après, je trouvais l'intrigue autour de lui, ça. Les plans entre guillemets qu'il faisait contre Supergirl, ça permettait d'amener un truc supplémentaire par rapport au personnage de Supergirl. On va tellement loin qu'il a même créé la Bizarro Supergirl. Non, j'ai d'accord, j'ai trouvé ça abusé. Bizarro Girl, hein. Mais j'ai trouvé que voilà, avec certaines scènes qu'il y avait avec Maxwell Lord, ça permettait, je trouvais, au personnage de Supergirl ou même à Melissa Benoist, voilà, de prendre un peu plus de prestance. Ouais. Pourquoi pas. Bref, voilà, en tout cas, il y a quand même quelques faiblesses de ce côté-là. Il y a d'autres faiblesses, évidemment. Est-ce que vous avez d'autres personnages dont vous avez envie de parler? Moi, clairement, pas. On peut parler de The Flash dans Supergirl? Oui, mais à la rigueur, il est aussi cool qu'il est dans sa série. Non, mais voilà, c'était juste pour dire ça, quoi. J'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs épisodes de la série parce que c'était, voilà, ça marchait super bien. Et il se passe quelque chose aussi dans ce concert, parce que ça déride vraiment tout le monde. Oui, complètement. Même Jimmy est cool, quoi, dans cet épisode. Ouais, non, mais franchement, j'ai trouvé les interactions entre les personnages, entre Flash et etc. J'ai trouvé ça génial. Et puis alors, j'ai adoré la réplique de Cat Grant, quoi, qui fait un gros clin d'œil à CW, quoi. À l'époque, oui. Où on ne savait pas encore. Oui, mais franchement, moi, la réplique, j'ai dû la repasser deux fois pour avoir lu. Moi, franchement, ça m'a fait rire, quoi. Ah bah non, mais c'est clair. Bah voilà. Donc la réplique, qui est pour ceux qui ne s'en rappellent pas, elle a les quatre personnes en face d'elle. Elle a Grant Gustin, elle a Melissa Benoist, elle a Mekat Brooks et l'acteur qui joue Winscott, dont j'ai oublié le nom. Il ne m'en voudra pas, j'espère. Et elle les regarde en disant, tous les quatre, on dirait un casting CW. J'ai trouvé ça excellent, franchement. Ah oui, il y a Rachel Divers CW cast. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis, c'est ce que je dis. Les interactions entre Flash, la team de Supergirl était intéressant. Et encore plus intéressant, j'ai adoré vraiment les interactions entre Supergirl et The Flash. Quoi. Cet épisode est un des meilleurs épisodes de la saison avec le 10e. Voilà. Et franchement, ça fait plaisir de savoir que Supergirl atterrit sur CW parce que voilà. Parce qu'on verra plus de Melissa et de Grant ensemble. C'est ça, et ça, ça met en joie. Voilà, après on verra ce que deviendra la série en saison 2, ça sera une vraie question. Ah oui, ça c'est. On va continuer du coup, parler un peu des grosses intrigues. On a quand même pas mal parlé d'Allura et de Non, on va peut-être pas revenir dessus parce qu'il n'y a pas, grand chose à dire dessus. Les triangles amoureux, on va pas revenir dessus non plus. Non, merci. Non, merci, c'est super chiant. On parle de la CW et de machin, mais il y avait plus de bordel de triangles amoureux que dans toutes les autres de la CW cette année. Ah ouais, non, là, c'était... Là, c'était open bar, c'était un festival. Ah non, mais tu te dis, non, mais au bout d'un moment, les mecs, calmez-vous. Combien de love interest Melissa Benoist a eu dans la saison? Attends, t'as eu... Deux. Elle a eu, il y a eu Win qui lui tournait autour, il y a eu Jimmy qui lui tournait autour, il y a eu celui avec lequel elle est effectivement sortie. Il y a quand même eu un petit jeu avec Barry Allen. Ouais, quand même, ouais. Voilà, Quand même. Quand même, voilà, ça en fait déjà 4. C'est beaucoup, c'est très chiant en plus. Parce on ne parle que de Mélissa Benoît, parce qu'après derrière, il y a tout ce qui est autour de Jimmy et de... Et puis il y a aussi Alex, et puis on peut continuer avec d'autres. Enfin, les trucs amoureux, c'était vrai. Bah, oui, aussi, il a eu un autre intérêt. Je pense que c'est l'un des aspects les plus négatifs, moi, qui m'a le plus gonflé. Franchement, c'était super chiant. Non, mais c'était vraiment très chiant parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Et en plus de ça, ça tournait en rond. Quoi. C'était. Deux épisodes sans qu'on nous introduise pas une nouvelle pseudo-relation. Quoi. Oui, non, mais c'était. Puis en plus, c'était hyper prévisible, donc c'était pas du tout subtil. Oui, c'est prévisible à partir du moment où tout le monde a envie d'être avec tout le monde. Oui, non, mais. Puis, il y a un moment où je m'attendais à voir Jimmy flasher sur Win. Hein. On était plus à ça près. Ça aurait été drôle. On était tous tellement en train de se courir après qu'à un moment ou à un autre, je me suis dit oui, bah allez-y aussi. Hein. Enfin, voilà. Non, mais c'était. Ils ont trop abusé. C'était vraiment l'un des aspects les plus relous de cette saison. 4 sur Supergirl, hein. Ça aurait pu être. Un peu de petit chip là. Vous les voyez, les fanfictions là autour de 4 et Supergirl? Oh non. Écoutez, c'est pas grave, elle est plus âgée, elle pourra lui apprendre des choses, elle en a besoin à mon avis. Bref, on va passer à la suite. Voilà, les triangles amoureux, on a parlé. On va parler peut-être quand même de cette histoire du martien, du limier martien, parce que c'est son nom français, le Martian Manhunter, qui est quand même la grosse bonne surprise de l'année. Ouais, complètement. La révélation d'identité de ce personnage, et puis après l'épisode dans le passé, où on découvre du coup Monsieur Danvers. Oui. Joué par Superman en plus, et puis son histoire aussi, enfin, son histoire, et puis le fait que effectivement il est encore là quelque part dans l'univers, les flashbacks sur sa vie sur Mars, j'étais agréablement surpris, et je trouve que c'était vraiment des scènes l'acteur pour le coup se débrouillait plutôt pas mal, et c'était des scènes que je trouvais assez émouvantes, quoi. J'ai trouvé ça sympa. On n'est pas à l'abri d'avoir un cyborg Superman qui revient, puisque voilà, Monsieur Danvers, on a bien compris qu'il était toujours quelque part, et on l'a compris grâce à l'intrigue du Marchand. Et puis voilà, non, elle apporte quelque chose, cette intrigue. Ah ouais, complètement. Kara ne devient plus la seule étrangère sur Terre, et du coup, il se passe aussi des choses entre les deux. Et il y a vraiment, pour le coup, je trouve, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont arrêté de faire chialer Supergirl, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de souffrance dans ce personnage-là. Ah oui. Et que du coup, à côté, voir Supergirl chialer, on va lui dire, mais meuf, t'as rien vécu à côté de lui, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Et puis, tu parlais de toute l'histoire qu'il y avait, et justement, c'était vraiment avec l'intrigue du Martian Manhunter, où on parlait tout à l'heure des thèmes qui étaient dans la série, et il y a vraiment eu tout un thème, enfin, moi, j'ai ressenti ça comme ça, après, je me trompe peut-être, mais t'avais vraiment, durant quand même pas mal d'épisodes, au moins, j'irais 2-3 épisodes, j'ai plus trop en mémoire le nombre, t'avais vraiment des épisodes qui étaient vraiment centrés sur la thématique, la thématique de la différence, réfugiés et tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment relativement bien écrit, quoi. C'était assez intéressant de la manière dont c'était traité, et surtout à travers le personnage de Martian Manhunter, quoi. Moi j'avais de la peine pour lui de voir comment il était traité par le général Lane, quoi. C'était vraiment je suis totalement d'accord en disant que c'est clairement l'un des gros points forts de cette saison. Et puis bon, ça tombe bien, puisque c'est interprété par un acteur qui est plutôt pas mauvais, qu'on a déjà vu ailleurs. Et du coup, ça lui permet de jouer plutôt deux personnages de manière assez correcte, quoi. Ouais, non, mais c'est... On n'aurait pas pu Mecat Brooks faire ça, quoi. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, je pense que, clairement, mettre ce Martian Manhunter dans une série comme ça, ça aurait pu très bien être ridicule et vraiment se perder, quoi. Il y a vraiment eu un travail de fait. Du coup, voilà, le Martian Manhunter arrive aussi Supergirl dans le CW-verse. Enfin, quoi. Et dans une saison où on sait qu'on va nous parler de JSA et de choses comme ça, voilà, ça prend une autre valeur aussi. Ouais, non, mais c'est... Voilà, il sera dans la série. Si on l'imagine, comme on avait parlé il y a quelques semaines, l'hypothèse où on a vraiment un crossover entre les quatre séries... Tu dis là, ça peut avoir de la gueule. C'est une hypothèse, ça a été confirmé. Enfin, oui, ça va être confirmé, mais. Parce qu'on trouvera quand même avec Flash, Green Arrow, Supergirl, le Martian. Ça commence à ressembler à une ligue de justice, tout ça, quoi. Non, mais c'est. Ouais, c'est. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Aura super mal. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, on a tous ces personnages ensemble. Ouais, et puis en plus de ça, il y aura Superman qui. On ne sait pas encore. Et Superman, et oui, et Superman. C'est ça qui est vraiment. Qui est vraiment énorme, quoi. Tu dis. Pour moi, c'était pas franchement imaginable au début que Superman soit vraiment explicitement là. Superman, voilà, enfin, j'en ai parlé avec Arnaud, je sais pas, j'en ai parlé avec tout le monde. Superman, oui. Pour moi, clairement, va être là pour se sacrifier et pour pouvoir permettre à Supergirl de passer sur une autre Terre. Il va se sacrifier dans la destruction de la Terre de Supergirl et elle va passer ailleurs. Enfin, voilà, je vois bien un truc comme ça. Pour, encore une fois, renforcer ce message féministe de la série que Supergirl, voilà, c'est amener Superman maintenant alors que la série a porté tant de messages que Supergirl a besoin de personne, etc. Voilà, ça peut, à part pour que, pour une fois, ce soit un personnage masculin qui se sacrifie pour Supergirl, ce qui, du coup, entrerait dans une certaine logique avec ce qu'on a vu cette saison. Voilà, je vois pas trop pourquoi amener Superman. Mais pour moi, ce sera pas Superman. On verra. C'est pas le Superman qu'on a vu toute la saison. C'est le personnage qu'on découvre à la fin. Tu crois ? Pour moi, c'est lui qu'on va voir. Ah ! C'est pas le Superman qu'on a vu toute la saison. Ah ouais. Je suis pas persuadé. Enfin, ou alors, ça peut être aussi le Superman de cette nouvelle Terre post-Flashpoint. Enfin voilà. Bah oui. Aussi, mais enfin, quoi qu'il en soit, voilà, c'est avec un personnage comme Martian Manhunter. Ça fait pas partie de la saison. Oui, avec un personnage comme Martian Manhunter, voilà, on peut imaginer pour la suite. Ça a vraiment. Enfin, l'univers CW commence à vraiment avoir de la gueule, quoi. De la belle gueule en tout cas, après gueule, on sait pas. Bon, on va quand même devoir parler de choses qui fâchent, en tout cas qui moi en tout cas m'ont vraiment fâché, parce que voilà, après avoir proposé quelque chose qui allait plutôt dans le bon sens et qui était plutôt frais et lumineux et voilà, parce que c'était quand même un bon moment qu'on passait devant les épisodes de Supergirl, moi en tout cas qui l'ai regardé toute la saison, c'était pas le moment le plus désagréable de la semaine, au contraire, c'était un moment où tu savais que t'allais plutôt sourire et que t'allais voir plutôt quelque chose de gentil, de joyeux, quoi. Ça faisait pas de mal du tout de voir Supergirl à chaque semaine, c'était plutôt un rendez-vous sympa, voilà, qui était pas génial, on est d'accord, il y avait plein de défauts, on en parlait, mais voilà, il y avait quand même ce petit côté ce petit côté espoir lumineux, etc., qui était intéressant et qui collait bien au personnage. Et puis arrive le season final, et là c'est le drame. Là c'est le season final, moi je ne l'ai toujours pas digéré, enfin c'est une catastrophe. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi justement, je sais pas quoi en penser, en fait. Mais pour moi, c'est une catastrophe. De là, je l'ai trouvé beaucoup moins bien, mais de là à dire une catastrophe, je l'ai pas trouvé aussi mauvais que le pilote, par exemple. Ouais. Il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Et ça a fait bien baisser note de la saison si on devrait en donner une. Mais de là à dire qu'il est aussi mauvais que le pilote, non. Ah, pour moi, si. Ils sont repartis sur le chemin du pilote. Mais rendez-vous compte, comment Supergirl arrive à déjouer le grand plan, quoi. Je me souviens même plus, tu vois. Son discours qui dégouline, c'est... De bons sentiments, mais il y en a plein pendant la saison. Oui, mais alors là, il y en a plein pendant la saison, ok, mais alors là, ils ont poussé tous les curseurs à l'extrême, et en plus, elle utilise un moyen qui, en plus, est plutôt... de la justification scénaristique de comment elle procède. Oui, ça c'est très douteux. Pour moi, ça tient pas trop par rapport au plan qui est en train d'être mis en place. Et voilà. Puis le coup, il y a plein de choses comme ça qui vont pas. Pourquoi ça marche, etc. Enfin bon. Oui, c'est, voilà. C'est mais j'ai quand même bien aimé la voir se. Oui, moi aussi. Faire équipe avec Max Fowler, bon, on passe, mais avec Kat, oui, c'est vraiment super intéressant de voir cette nouvelle dynamique et de voir Kat surtout dans un rôle plus actif que le reste de la saison. Mais ça va tellement à l'encontre de toutes les ambitions qui ont été placées dans la saison, bonnes ou pas bonnes, enfin voilà, bien exécutées ou pas. Mais là, on repart dans une espèce de facilité. C'est. Oui, non, c'est. Enfin, moi, oui. Ça m'a pas choqué parce qu'il y a plein de facilités dans la saison. Hein. Non, elle est loin d'être. D'être bonne sans défaut. Hein. Là, encore plus. Enfin, moi, j'ai trouvé ça affligeant, de bêtise. Ah, j'ai trouvé ça m'a pas choqué d'abord. Non, moi non plus, ça m'a pas choqué. Moi, c'est ça, j'ai trouvé bête. Non, moi j'irai pas. C'est Mais clairement. le plan est bête. C'est Oui, comme mais le le coup plan est bête. d'envoyer le la la l'espèce de d'envoyer Fortress Oui, mais dans dans le. l'espace. Oui. Et comment on sauve Supergirl? Ah non, ça Alex vient c'était. la chercher Non, mais pitié, ça. dans un engin kryptonien qu'elle n'a Ah. jamais dans une navette Alors kryptonienne ça, c'était qu'elle n'a le jamais pitron, ça. utilisée, où il y a une place pour une enfant de 12 ans, mais une adulte de 25 Non, ans on est rentre dedans. d'accord. Pardon, deux adultes de 25 ans rentrent dedans. Oui, non, mais d'accord, Non, ça. mais je suis d'accord. Quand tu vois le truc, il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont Ça fumé? m'a plus choqué. Enfin, Oui, même ça, moi, j'étais le d'accord. plan, Ça m'a beaucoup choqué. et face caméra et tout, c'est stupide, c'est ridicule. Mais il y a des choses qui m'ont bien plus incongru, qui m'ont fait sortir de mes gonds pendant l'épisode. Ah oui, non, mais moi, je parle de ça parce que ça a cristallisé. Enfin, c'était la goutte d'eau, en fait, si vous voulez. Ah Ce oui, truc-là, d'accord. c'était vraiment. Ouais, Non, c'était, mais. voilà. Le vase était trop plein, il a pété, quoi. Non, mais je suis Mais d'accord, tout, tout dans l'épisode, tout. Enfin, voilà, effectivement, ce que vous dites, c'est quand même assez incroyable aussi de pouvoir. Enfin, on se demande, en fait, si ce final n'a pas été écrit en même temps que le pilote, quoi. Ouais, mais c'est vrai, je suis d'accord. Franchement, enfin, moi, j'ai été. Le reste, ça m'a pas si dérangé que ça. Bon, clairement, c'était pas un bon épisode du tout. C'était vraiment très en dessous très en dessous de ce qui s'était fait. Mais c'est vrai que franchement, le coup du vaisseau. Enfin, je veux dire, merde, on avait. Le coup du Non, mais vaisseau, on. oui, non, mais oui. Non, mais ça, c'était. Enfin, ça, je suis d'accord avec vous. C'est complètement con. Et Mais puis je on a. comprends pas pourquoi Supergirl ne survit pas Oui, dans moi non plus, je comprends l'espace pas. J'ai alors pas que compris. Superman peut. Mais oui, je comprends pas. Mais voilà, c'est. Ouais. Je suis d'accord. Je comprends pas. Il y a une grosse incohérence parce que moi, dans mon souvenir. Ça fait partie de ses pouvoirs de Mais oui, justement de Superman. Enfin, pouvoir. Superman ou Supergirl, normalement, est censé pouvoir survivre dans l'atmosphère. Tant qu'elle est dans le sol. Même dans l'espace, ils peuvent Oui, survivre dans un l'espace. certain temps, pas très longtemps, Mais mais ça. dans l'espace, ils peuvent survivre un Mais certain moi. temps. Bah, du moment qu'elle a le. Enfin. Qu'elle a il y a le soleil, théoriquement. Enfin, ça, Mais. c'est complètement bancal, enfin, même incohérent, je Oui, suis voilà, bien c'est très d'accord. bancal, oui. Je suis bien d'accord, le Bah, coup ça du se vaisseau. justifie dans le sens où, entre guillemets, les Kryptoniens sont immortels, hein, avec le soleil, avec leur pouvoir, entre guillemets, ils sont pas immortels, mais Oui, non, mais. c'est difficile de les tuer, quoi. Ils ont une endurance plus forte, et du coup, c'est pour ça qu'ils peuvent survivre un certain temps dans Non, mais l'espace, je veux quoi. dire, à la rigueur, tu utilises cet argument-là que le coup de l'espace peut plus respirer, blablabla. Tu utilises ça pour Superman, enfin, Superman qui a vécu toute son. Enfin, qui a vécu depuis des années sur Terre. Ça me choquerait un peu moins parce que ça pourrait être. Oui, il s'est habitué à Peux te dire, il est l'atmosphère. habitué à Justement, il l'atmosphère, mais l'explique dans le là, final en disant que c'est pour ça qu'il est influencé par le oui. plan. Alors que Mais là, elle, que non. un Supergirl, quoi. Elle, non, justement, Non, mais je suis d'accord, c'est complètement con. en Et théorie, elle devrait c'est. pouvoir Enfin, c'est. supporter. Là, je rejoins Mathieu, hein, même si je suis pas aussi sévère que toi sur le season final, il y a Ah non, mais il vraiment y a plein d'erreurs. d'énormes facilités, d'énormes erreurs. Et le coup du vaisseau, enfin, je veux dire, c'est le jour et la nuit en termes d'écriture par rapport à ce Oh, qu'on a eu tiens, droit une durant navette cette saison. kryptonienne, je vais sauter Non, dedans, mais. je Non, vais mais au réussir à début. la faire Non, fonctionner. mais en plus, au Et début, je. d'ailleurs, vous m'expliquez comment elle sort Non, mais du aussi. délire, il n'y a pas d'ouverture dans le Non, mais toit. c'est n'importe quoi. Et en plus, honnêtement, moi, je vois. Enfin, je regarde l'épisode, je vois, bon, elle regarde le vaisseau, je me dis, bon, ok, c'est. Enfin, elle le regarde, voilà, Moi, je me c'est. suis dit, ils vont trouver un moyen de Oui, l'envoyer, non, je genre me. Putain, mais alors. téléguider ou quoi, mais de Oui, là à mais dire qu'elle alors. saute De là à dedans. dire qu'elle se met dedans, je me dis, waouh, non, pitié. Non, mais. Enfin, oui, il y a énormément de facilité. Puis même si le symbole. Enfin, le S, le symbole de la maison des Hells, ça veut dire aussi. Enfin, ça signifie aussi l'espoir. Moi, honnêtement, enfin, j'ai trouvé. Enfin, oui, c'est toujours pareil. Le coup, comment ils arrivent à empêcher, enfin, empêcher les effets de, comment ça s'appelle, de Myriade. Non, si, c'est dans le season final, Oui, ça. c'est Myriad, Ouais, c'est bien dans le season final, comment ils arrivent à empêcher. Je me dis, putain, ils se sont pas cassés la tête, quoi. C'est facile. Puis le coup du symbole, je trouve ça tellement ayez abusé, de quoi. l'espoir. Ça y est, on Non, est mais libéré. voilà. Je veux dire, tu peux faire beaucoup plus subtil que ça. Enfin, je veux dire, déjà, oui, le Bah, je discours sais pas, de. moi, tu détruis Myriad, tu détruis la Oui, non, mais machine. voilà. Mais le discours de Supergirl, je suis d'accord avec Mathieu. Hein. Ah oui, ça dégouline de bons Découline de bons sentiments. sentiments et ça frôle, même peut-être ça atteint le ridicule. Ah Mais bah ça franchement, l'atteint, hein. Ça Ouais, atteint le ridicule. oui, mais le coup du symbole, franchement, ouais, mais non, quoi. Enfin, Myriad, c'est censé être un truc super puissant qui devait être utilisé sur les Kryptoniens. Et le coup de non, bah, il suffit de donner de l'espoir, de donner de l'espoir à la population, puis c'est bon, ils vont empêcher. Je veux dire, au bout d'un moment, et puis beau donner l'explication scientifique, franchement, c'est hyper bancal, quoi. Ça a été, de ce point de vue-là, Ah, on nous vend un truc, enfin, non, même pas on nous vend parce que j'ai pas ressenti. Scientifique, ça a été écrit par Fred et Jamy, hein, c'est pas. Oui, non, mais voilà, je suis d'accord, on nous vend, c'est vraiment on nous vend. Mais franchement, la résolution de, voilà, de l'enjeu, ça a été super, bah, hyper décevant. Par les mêmes qui ont écrit le pilote. Hein. Non, mais oui, mais c'est ça. Puis même le coup, bon, bah, on réussit pas à contrôler l'humanité, donc on va détruire l'humanité, franchement. Le coup des maux de tête et tout ça, tu dis putain, ça m'a fait penser, ça m'avait pensé à un truc dans X-Men 2, tiens. Mais non, franchement, ils sont vraiment pas fait chier, t'as l'impression, en fait, ils ont posé des germes, des idées, en fait, ils savaient pas du tout quoi en faire. Ouais, enfin bon, voilà, du coup, maintenant qu'on sait que la série a passé sur CW, on peut presque dire, ça n'a peut-être pas existé ce final. Et... Ouais, mais, entre guillemets, le cliffhanger, putain, plus classique, tu meurs, quoi. Ah bah oui, le vaisseau, quoi. Le vaisseau, quoi. Soit c'est Lost, saison 1. Oh, une trappe que j'ouvre. Non, qu'est-ce qu'il y a dedans? Enfin, pour moi, il y a deux hypothèses. Hein. Soit c'est un kryptonien. Ouais, soit c'est... Enfin, ce que tu disais, je trouve. Mais soit c'est vide. Ça se trouve, il est vide, ce truc-là. Non, ou alors je me suis dit, pourquoi... Enfin, vu comment c'est parti, il serait foutu de nous mettre Zod, quoi. Ou sa mère. Non, quand même. Mais là, elle a survécu. Bah, elle a plus sa tante, donc il lui manque la figure maternelle. Oh non, pitié. Bah, il y a quatre. Ça. Oui, mais il y avait toujours un lien familial, tu vois. Non, mais j'avoue que ce qu'implique le cliffhanger, ça me fait vraiment peur. Parce que ça se mais ça peut être une version arrangée de Superboy. Non, mais au lieu qu'il soit créé par Luthor, ça aurait été, je sais pas, un kryptonien. Ouais, mais franchement, j'ai eu peur. Autrement. Pour ça, je vous dis que c'est peut-être le Superman qu'on va voir dans les deux premiers. Oui, ou alors, qui sait, c'est peut-être quelqu'un qui vient de la... Un kryptonien dedans. C'est peut-être quelqu'un, un kryptonien, oh, comme tu dis, un kryptonien d'un autre univers qui vient, quoi. Oui. Ça peut être ça, mais franchement... Je pense que le Superman qu'on va voir dans les deux premiers, c'est pas celui de National City qu'on a vu toute la saison. Ouais. C'en est un autre, d'une autre manière, mais c'en est un autre. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, le season final est vraiment mauvais, et le cliffhanger est mauvais aussi, parce que c'est pas du tout... Enfin, ils auraient pu faire beaucoup plus original, quoi. Ouais. Bref, voilà. Grosse déception sur le final, on va pas... J'ai quand même vous poser la question, une question qu'on pose pas d'habitude sur les séries, mais c'est assez intéressant. Donnez donc une note à cette saison. Ah, et là vous êtes dans la merde. Hein. Oui. Ouais. Sur 5? Bah ouais. C'est encore plus difficile. Parce que là c'est un peu plus... Ouais, sur 10 si vous voulez un peu plus de finesse. Voilà, c'est parce que vraiment, c'est juste pour mettre en lumière le fait que c'est une saison hyper difficile à noter. Ah ouais, complètement. Qui fait le grand écart en permanence entre le sous-caca et le bien plutôt inspiré. Ouais, non, mais c'est difficile parce que moi, d'un côté, j'ai pas envie de lui mettre en dessous de la moyenne pour la simple et bonne raison que ça a été vraiment une bonne surprise. Bah, je sais pas, j'ai envie peut-être de mettre un peu plus que la moyenne du coup d'un 6. Oui, moi aussi, parce qu'il y a des bons trucs, mais je suis d'accord avec Mathieu. 7, ça ferait beaucoup quand même. Non, 7, ça ferait beaucoup. 6, ouais, non, c'est chaud. Elle aurait pu avoir son 7 avant l'épisode final. Ouais, moi aussi, je pense. Je sais pas. Parce qu'elle aura été sur une pente plutôt ascendante sur toute la saison. Ouais, je suis d'accord. Et que finalement, on a passé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai passé plutôt de bons moments. Ouais, c'était plutôt agréable à suivre de semaine en semaine. Mais voilà, moi, pour moi, je m'arrêterai du coup sur un petit 6. Mais un petit 6, plein d'espoir pour le passage sur la CW. Ouais, et à mon avis, plus de bien que ce qu'on a pu lire et entendre au début. J'ai clairement envie de mettre plus que 5, ça c'est sûr, c'est certain. Je pense que je mettrais 6 parce que d'un côté, j'ai mis 6,5 quand même, c'est. Enfin, par rapport c'est à ce trop. Que c'est trop, quoi. Enfin, 6, je trouve, voilà, c'est. J'ai pas envie de lui mettre 5 parce que je trouve qu'elle mérite. Enfin, vu l'évolution de la série et de tout ce qu'on a pu dire. Honnêtement, j'aurais. Enfin, elle partait de très loin. Non, mais voilà, c'est au pilote, tu me dis. Enfin, même au pilote, hein. Quand j'ai regardé le pilote, tu m'aurais dit que j'aurais mis 6. Enfin, voilà, ça me paraissait inimaginable. Donc, ouais, non, 6, ça me semble bien parce que pour une série. Quand tu vois d'où ça part, comme on avait quand même bien tapé sur le pilote, 6, c'est plutôt une bonne note, quoi. Bah, c'est clair. C'est clair, bah, ça part de très loin et moi, je suis de la vie de nature. Rappelons-nous, on avait. Ouais, voilà. Ce pilote a quand même provoqué en nous l'envie d'en faire un commentaire audio. Et puis on l'avait déjà vu une fois. Si, il est sorti. On l'avait déjà vu. On l'avait tous vu une fois, mais alors on s'est dit non, faut qu'on se le revoie ensemble. Il me semble qu'on pendant 40 minutes, on avait complètement démonté quoi. Oui, donc voilà, il est toujours dispo ce commentaire audio et voilà, vous allez voir que du coup, il y a quand même un gros changement. Mais honnêtement, je suis d'accord avec toi. Hein, mine de rien, c'est très. Bon, très on est d'accord sur un petit 6 alors. Ouais, je pense que c'est bien. Parce que tu m'aurais demandé par exemple de, enfin je sais pas moi, je te prends d'autres séries hein, qui sont du même genre super-héros après tout qui vu que Supergirl sera sur CW, tu m'aurais demandé de noter. Je vais te prendre le cas extrême hein, parce que forcément que j'ai bien tapé sur ça. Tu me demandes Arrow, moi je suis un peu en colère contre cette série. Je pense que j'aurais mis sans hésiter 0,5. Voilà, on en parlera la semaine prochaine, tu nous fais une belle transition. Reviendrez-vous pour la saison 2 sur CW? Ah bah oui, clairement. Oui, mais pas forcément semaine après semaine. Et toi Clément, semaine après semaine ou pas semaine après semaine? Franchement, ça dépendra honnêtement comment on démarre la saison 2. Si j'ai fait un marathon, honnêtement, quand j'ai fait le marathon, j'avais envie de connaître la suite, quoi. Donc, si ça me donne cet effet-là, c'est oui, effectivement, je risque de vouloir regarder, semaine par semaine. Ou alors, le début de la saison va pas me plaire, je vais préférer arrêter, je vais attendre de voir ce que tu vas dire et si tu vas faire du lobbying positif ou pas. Clairement, les 2-3 premiers épisodes sont hyper importants pour la transition entre les deux chaînes, entre les deux univers, etc. Ouais. Voilà, là, il y a quelque chose d'important qui va se jouer et qui va très certainement faire que cette série va basculer d'un côté ou de l'autre. S'ils ratent leur lancement sur la CW, c'est enterrer la série. Si la transition est ratée et qu'on n'arrive pas à nous la rendre d'une crédible, deux cohérente avec l'univers et trois suffisamment intéressante pour que ce qui s'était mis en place en première saison soit en quelque sorte effacé, parce que c'est un peu ce qui pourrait arriver, ce qui risque d'arriver puisqu'on change complètement d'univers. Voilà, si ça c'est raté, derrière la série. Elle sera, et elle aura pas plus qu'une saison 2 parce que déjà ce sauvetage pour aller en saison 2 ça tient un peu du miracle. Oui, c'est clair. Quand tu vois les audiences, c'est vraiment, je pense que ce qui a fait qu'il y a une saison 2, c'est vraiment parce que voilà, CW a bien voulu reprendre la série quoi, mais pour moi cette saison 2, elle va se jouer sur les deux premiers épisodes et le crossover. Comment elle se comporte en lien avec les trois autres séries? Ah oui, ça c'est une certitude. C'est vraiment si ces deux choses-là se passent bien, il y a pas de souci à se faire pour un renouvellement. Ouais. Bah moi j'ai envie de dire si c'est dans l'esprit que, enfin, je parle encore du crossover qui arrive là. Si c'est vraiment dans l'esprit que c'est visiblement dans cette optique-là qui est voilà, franchement ça peut le faire. Et après effectivement. Non. Voir une saison comme ça, j'en voudrais pas. Ça non sera mais. Plus apocalyptique que ça en ce concept. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais. Si tu sens voilà qu'ils ont vraiment envie de faire parce que 40 minutes c'était bien sympa mais j'ai l'impression que par moment de voir deux gosses ensemble, non mais je me suis mal exprimé c'est en laissant le spectateur en dehors hein. Non mais je me suis mal exprimé, c'est juste que enfin tu sens, moi j'ai senti dans ce crossover voilà que c'est vraiment deux séries qui pouvaient cohabiter dans le même univers. Mais c'est vrai que si on n'a pas, je suis complètement d'accord avec Mathieu, si on n'a pas cette impression là dès les 2-3 premiers épisodes de la saison 2, c'est mort parce que ça prendra pas. Parce que c'est quand même un univers qui est déjà bien installé depuis maintenant plusieurs années. Donc, ça va être un sacré défi pour la série, du coup. Voilà, on suivra ça, en tout cas, au mois d'octobre. Voilà, et bien, on a terminé ce numéro 60 de Sur nos écrans. On n'a pas dit ce que Irish voulait qu'on dise. Ouais, mais c'était pas grave, il fallait qu'il vienne. Ouais, puis en plus, j'ai pas envie de dire du mal quand même de Supergirl. Voilà, donc... Irish a pas trop aimé, mais voilà, on ne montrera pas plus. Pas trop, alors, visiblement. Il a aimé le pilote, hein. Comme quoi. Ouais, comme quoi. C'est un peu notre River Splash à nous. Quoique, tu sais, Stéphane qui était là pour iZombie, il avait adoré le pilote, il avait adoré les premiers épisodes et la fin de saison, et la deuxième partie de saison, il la déteste. D'accord. Bon, ben voilà. Donc il y a quelque chose comme quoi, si tu détestes le début de saison, il y a des chances que tu aimes la série. Ça. Puis donc la preuve qu'il y a quand même une inversion de cette série qui change complètement de ton et de direction et d'écriture. Si ce qui plaît ou non. Ceux qui avaient leur goût, ceux qui y trouvaient leur compte au début, ben, l'ont pu trouver après, et vice-versa pour les autres. Voilà, donc on se retrouvera donc du coup en deuxième saison pour parler de cette série, évidemment. On a donc terminé, je vous disais, le bilan de Supergirl. On vous avait promis un bilan de Stan Lee's Lucky Man. Voilà. À l'heure actuelle, il y a une seule personne dans l'équipe qui a réussi à terminer la série. Pour Arnaud et moi, c'est un peu plus compliqué. Toi, tu l'as pas terminé non plus, Arnaud, je ne me trompe pas. Voilà, c'est un peu plus compliqué de trouver le temps. On dira surtout quelques mots la semaine prochaine. Oui, on dira quelques mots dans le bilan de saison, mais on lui fera peut-être un bilan à un moment ou un autre. Mais voilà, c'est compliqué de trouver le temps et aussi, enfin pour moi en tout cas, l'envie de continuer. On verra déjà la note dans le bilan, le classement. Ouais. Alors on verra déjà voilà où se situe cette série, parce que c'est une série jeune, que peu de personnes ont regardé, où elle se situe dans le bilan. Voilà. Et est-ce que la note de Léo, qui du coup l'a fini et qui a donné des points lui forcément cette série pour le bilan, va faire que voilà, ça va prendre une place un peu surprenante ou pas, on verra ça la semaine prochaine. Et puis ça sera l'occasion d'en dire deux mots, effectivement. Donc vous n'aurez a priori pas de bilan de Stanley Luckyman saison 1. On se retrouve donc maintenant la semaine prochaine pour le numéro 61 et le grand bilan de la saison, le classement de ces 20 séries qui nous ont occupés tous ou seulement certains dans cette année. Donc le classement de la 20e à la première place. Flash va-t-elle garder son statut de coup de cœur de la saison qu'elle avait eu la saison passée au nez et à la barbe de Daredevil saison 1, ou est-ce que le justicier va prendre sa revanche? À moins que. Jessica. Voilà. À moins qu'une série qui porte aussi le nom d'une ville vienne bouleverser le classement. On verra ça la semaine. Mais là, il croit. Eh ben, accrochez-vous. À la semaine prochaine. Salut.